Tous les jours, ma tante se noie avec quelque part, quelqu'un à sauver. Tous les jours, ma tante se noie avec quelque part, des idées à sauver. Elle disait, faites un petit don pour l'association des associés ou pour les ours polaires du Zimbabwe. Chaque matin, ma tante saumon mettait le grappin sur une victime de la faim. Chaque soir, ma tante saumon redonnait de la vie à un mouroir. Elle ramassait de l'argent pour les médecins millionnaires retraités, dont les actions bourses avaient maigri. Sniff, sniff. Mais bonjour, ma tante saumon s'en est allée, dit-on, dans un monde meilleur. Ses bénéficiaires ne l'ont pas pleuré, la priorité étant de la remplacer.